Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui, Monsieur René Goscinny. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Philippe Touzé, réalisée par Michel Sidorov. La fiction d'aujourd'hui raconte donc l'histoire de Goscinny. Et comme le disait un ami, c'est très bien, c'est une bonne idée. Goscinny, enfin, c'est De Gaulle, les Trente Glorieuses, Astérix, nos ancêtres, les Gaulois, bien sûr. Un phénomène mondial, des millions d'exemplaires vendus, une magnifique histoire d'amitié et de complicité artistique avec Uderzo. Alors, on peut traiter ce sujet sous l'angle artistique, économique, philosophique, politique. C'est bien, mais ça fait beaucoup en même temps. Alors, cher Philippe Touzé, vous êtes l'auteur de cette fiction. Comment écrire une fiction sur Goscinny? Déjà, par quel bout on prend? Par quel bout on prend Goscinny? Ben, je serais tenté de dire par l'enfance. Ouais. Par l'enfance. Parce que je pense qu'on a tous une histoire avec René Goscinny. Nous tous, tous les auditeurs, auditrices qui écoutent actuellement l'émission ont une histoire particulière avec René Goscinny. Ils se voient tous assis dans le salon des grands-parents, en haut d'un arbre, allongés sur l'herbe, en train de lire Astérix, Lucky Luke, Is No Good. Le petit Nicolas. Le petit Nicolas. Moi, par exemple, j'ai découvert le petit Nicolas, c'était en cinquième, voilà, au collège. Astérix, c'était mon grand-père, qui n'était pourtant pas quelqu'un de très drôle, mais bon, c'est lui qui a amené Goscinny, Astérix à la maison. Voilà, on a tous une histoire précise, on se voit tous à un moment donné dans notre enfance ce qu'on faisait quand on lisait un Astérix. Ça c'est indissociable de l'enfance. C'est pour ça que mon scénario, je l'ai traité comme ça, comme quelqu'un qui repart quelque part à la recherche de son enfance à travers les écrits de Goscinny. Et ça a été beaucoup plus flagrant que mes deux filles qui ont 11 ans, Aliénor et Apolline. J'ai été dans une transmission, mais comme je pense des millions de gens, à un moment donné, quand elles ont commencé à avoir 6-7 ans, j'aurais dit, mais lis Astérix, c'est excellent. Et elles ont lu Astérix. Et quand je vois, à 40 ans de distance, qu'elles ont les mêmes éclats de rire, qu'elles ont la même joie de lire une œuvre que moi j'ai adorée, on est en plein dans la transmission. Et quel est votre héros préféré, la question infernale, votre héros préféré parmi le petit monde de Goscinny? Ah, ça, c'est la c'est question. Vous ne vous attendiez pas à cela? Quelle question. Allez. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour Assurance Torix. Bien. Alors, pour poursuivre, vous chantez pas, hein, merci. Non. Pour poursuivre cette enquête après la fiction sur René Goscinny, l'un des plus grands auteurs de bande dessinée, évidemment, nous recevrons Catel, l'autrice du magnifique roman graphique intitulé Le roman des Goscinny, naissance d'un Gaulois aux éditions Grasset, sorti il y a exactement 2 jours. Mais oui, c'était le mercredi 28 août. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Monsieur René Goscinny, de Philippe Touzé. Une réalisation de Michel Sidorov. Que tu fais? Je travaille. En lisant un Astérix? J'ai envie d'écrire une fiction sur Goscinny pour Affaires sensibles. Après Nougaro, La guerre des étoiles et Tonton Flingueur, tu vas proposer Astérix et Obélix à Christophe Barrère? C'est quoi la prochaine étape? Une fiction sur le rugby? Les westerns avec John Wayne? Je suis assez tenté par la cueillette des champignons dans les sous-bois de mon village au mois de septembre. Si je comprends bien, tu vas passer la journée assis dans ton fauteuil à lire des Astérix. Ah oui, je sais, c'est pas drôle tous les jours, hein, mais c'est le boulot qui veut ça. D'ailleurs, si tout à l'heure tu pouvais aller chercher les enfants à l'école, ça m'arrangerait. Ouais. je vais insérer des petits bouts, des passages de bande dessinée dans ma fiction. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée. Mais ça va pas faire trop de personnages? Oui, oui, peut-être. Mais ça permettrait de dynamiser, de dynamiter le récit. Tiens, tu vas m'aider. Alors, on va lire la page... La page 30 d'Astérix Légionnaire. D'accord. Alors, toi tu fais le centurion Hôtel Terminus et moi je fais Astérix et Obélix. Pourquoi? Quoi? Pourquoi tu fais Astérix et Obélix et moi le centurion? Parce que je te le demande gentiment, avec beaucoup d'affection et de reconnaissance pour ton soutien indéfectible. Bon, tu veux faire Astérix et Obélix? Oui. Bien. Alors, le centurion, Hôtel Terminus. Première légion, troisième cohorte, deuxième manipule, première centurie. Halt! Nous allons faire une pause. Je ne veux pas que Falbala s'inquiète. Astérix, tu crois qu'on le retrouvera facilement au Dragicomics? Faut espérer, Obélix. Hé, hey, vous deux, j'ai dit que c'était la pause. Pas le temps, allons. Mais c'est moi qui commande ici. La pause, allez, la pause. La pause quoi? Pause toujours, nous on continue. Ma grand-mère posait le journal sur la table en formica rouge. Elle le dépliait en grand, puis elle s'asseyait sur une chaise. En formica rouge. C'était le moment de la journée où elle lisait les nouvelles, au moment du goûter. Un peu avant que mon grand-père rentre de l'usine, elle commençait par la vie trépidante de notre petit village, mariage, enterrement, soirée loto, puis elle passait aux pages nationales. À l'époque, dans Sud-Ouest, pas un jour sans une photo de Chaban-Delmas. Pompidou était président de la République et il sortait de sa déesse noire, la cigarette au bec. Je m'asseyais à côté de mamie, une énorme tranche de pain dans la main gauche et la moitié d'une plaque de chocolat dans la main droite. Assis sur ma chaise, mes pieds ne touchaient pas le sol, mes jambes se balançaient sans arrêt à un âge entre terre et ciel. Moi, je lisais Astérix. C'est chouette, Astérix. C'est drôle, les aventures sont super bien et puis les dessins aussi sont super bien. Parfois, ma grand-mère secouait la tête et lâchait un long soupir désapprobateur. Je me disais que lire le journal, c'était beaucoup moins marrant que de lire Astérix. C'est pourquoi je ne comprenais pas pourquoi mamie lisait le journal tous les jours. « Parce que c'est un quotidien », a répondu ma mère. « Merci, maman. » Heureusement que les parents sont là pour résoudre, avec des mots simples, les mystères de l'univers. Apolline, tu vas faire le petit garçon. Pourquoi c'est elle? Parce que tout à l'heure, quand je vous ai appelé, Apolline avait fait ses devoirs et pas toi. C'est pas juste. Aliénor. La prochaine fois, ça sera toi. Tu peux rester avec nous pour écouter. Je préfère aller jouer dans ma chambre. Oula! La susceptibilité des comédiennes, c'est quelque chose. Allez, on y va. Marie, tu fais la maîtresse? Pourquoi je vais faire un petit garçon? Parce que je n'étais pas une petite fille. Voilà. Rotomagus? Rouen. Lutèce. Paris. Lugdunum. Lyon. Massilia. Marseille. Ouais, bravo, très bien. Mais comment tu sais tout ça? Mes parents m'ont offert tout l'univers à Noël. Ça, c'était dans mes rêves. À la maison, il devait y avoir une douzaine de livres dont la moitié étaient des guides techniques de 404, R16 et GS. Mais j'avais lu une publicité à propos de cette encyclopédie dans Télé 7 jours chez moi et dans Télépoche chez papy et mamie. Si les deux ouvrages de référence de la famille annonçaient, en termes fort élogieux, la parution de cet objet censé éradiquer l'inculture dans le vaste monde, c'est que ça devait être super bien. Et puis, franchement, je ne pouvais pas dire à ma maîtresse que ma connaissance des villes gauloises commençait et surtout s'arrêtait à la lecture du Tour de Gaulle d'Astérix. Allô Christophe ? Je te dérange pas ? Salut Philippe. Non, non, ça va. Je voulais te parler d'un sujet. Attends, attends, deux secondes. Je vais dans une petite rue. Parce que là, sur le boulevard, c'est le bazar. Oui, je t'écoute. Goscinny. J'ai envie d'écrire une fiction sur Goscinny. Goscinny. C'est très bien, bonne idée. Goscinny, c'est De Gaulle, les Trente Glorieuses, nos ancêtres les Gaulois. Un phénomène mondial. Des millions d'exemplaires vendus. Une magnifique histoire d'amitié et de complicité artistique avec Uderzo. On peut traiter ce sujet sous l'angle artistique, économique, philosophique, politique. Oui, bon, en 30 minutes, ça va être compliqué, mais on va essayer. Goscinny, c'est aussi Astérix, It's No Good, Le Petit Nicolas. Et Oumpapa. Il faut pas oublier Oumpapa. Je ne l'oublierai pas, je te promets. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses de mon idée ? Alors, attends, excuse-moi Philippe, là j'ai un groupe de Chinois qui vient vers moi. Oui, bonjour, bonjour. La quoi ? Pardon, j'ai pas très bien compris. La pharmacie ? Alors ça c'est original, il m'aurait demandé la tour Eiffel, ok, mais là, tu sais s'il y a une pharmacie dans le coin ? Christophe, je suis pas avec toi. Ah oui, c'est vrai. J'ai découvert Lucky Luke assis par terre dans le rayon BD d'un hypermarché. Dès qu'on arrivait dans le magasin, mes parents me lâchaient au milieu des bandes dessinées. Et je me dirigeais illico vers Lucky Luke. Je n'étais pas le seul gamin. On était toute une bande assis par terre. Les clients nous enjambaient, tout le monde trouvait ça normal. Parfois même, ils nous demandaient conseil. Excuse-moi, j'aimerais offrir un Lucky Luke à mon fils, mais... J'y connais rien. Tu peux me dire celui que tu préfères ? Je les aime tous. Mais il n'y en a pas un que tu préfères ? Si, il y en a un que j'adore. Et c'est lequel ? Je me le suis acheté avec mes sous. C'est très bien. Et c'est lequel ? Chasseur de primes. Et c'est bien ? Super. Attendez. Tenez, c'est celui-là. Merci. Ah tiens, sur la couverture, c'est Lee Van Cleef. Qui ça ? Lee Van Cleef. Un acteur ? Je connais pas. Lucky Luke, La Diligence, Maurice et Goscinny. Wagashoimawa Hosha Wells Fargo & Co. Tipeee, whoopee, wata. Chef, dire, tous les visages pâles, être... Des crapules. Non. Des fripouilles. Non. Des coyotes à foie jaune. Des menteurs. Vaga. Ah, salut Fabrice, ça va ? Ah, salut Philippe, qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas à un enregistrement ? Non, je vais voir Christophe pour lui parler de ma prochaine fiction. Ah bon ? C'est sur quoi ? Goscinny. Ah, génial, Goscinny. Bah, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que j'ai pu en lire des BD de Goscinny ? Tu sais, moi, ce qui m'a toujours fasciné chez lui, c'est sa capacité à créer des personnages secondaires extraordinaires. Ouais, en fait, ouais. Ce sont pas des personnages secondaires. Tu prends pas dans Remix, Assurance de Rix, Avoir Raccourci X, les Dalton, oui. Billy the Kid, Rent en Plan, la bande de copains du petit Nicolas. Ouais, c'est vrai. Mais dis-moi, c'est la première fois que tu viens pour parler d'une fiction ? Bah, je me suis dit, au téléphone, ça va être compliqué. Ah bon, pourquoi ? Bah, j'ai envie d'aborder cette fiction sous un angle très personnel. Ah, à chacun son Goscinny ? Oui, c'est ça. À chacun son enfance. L'enfance de René Goscinny fut en grande partie argentine. Et tant mieux pour lui. À cette époque, pour un petit garçon juif, il valait mieux vadrouiller dans la pampa que dans les rues de Paris. L'amour pour la France vient de ce manque éprouvé durant l'enfance. Il comprend son pays, il le respire, et pourtant pendant de longues années, il s'en tiendra éloigné. Son père meurt brutalement, et commence alors pour sa mère, son frère et lui-même, une longue période de vache maigre. Il part à New York avec l'intention de pénétrer le milieu des comics, car le plus grand scénariste français de bande dessinée est persuadé d'être un dessinateur. Retour en Europe, où là encore, c'est la même chanson. La ritournelle descend le sou. En Belgique, à Paris. Jusqu'au jour où il décida de délaisser sa planche à dessin pour une machine à écrire. Le petit Nicolas, quand j'étais gamin, j'avais du mal. Je ne comprenais pas tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Le texte ne me faisait pas rire et les dessins de Sampé, alors là, ils étaient pas terribles, franchement. Dans mon hypermarché, j'avais remarqué des albums de Sampé, tout seul, sans Goscinny, sans personne d'autre pour l'aider. Et je m'étais fait la réflexion que ce type-là, il ne doutait de rien. Des messieurs un peu rondouillards, avec des lunettes, des chapeaux et des parapluies. Un monsieur qui regarde la mer, un autre qui regarde le ciel, et un autre qui regarde passer un train. J'ai éprouvé le besoin d'en parler avec une grande spécialiste de la bande dessinée, ma grand-mère. Mamie, tu connais Sampé, le dessinateur ? Oui, mon petit chat, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses ? Il est bordelais. Le petit Nicolas et les copains, Sampé et Goscinny. Agnan, il n'a pas été content de voir que Clotaire avait des lunettes. Agnan, qui est le chouchou de la maîtresse, a toujours peur qu'un copain soit premier à sa place. Et nous, on a été bien contents de penser que le premier, maintenant, ce serait Clotaire, qui est un chouette copain. « Tu as vu mes lunettes ?» a demandé Clotaire à Agnan. « Maintenant, je vais être le premier en tout, et ce sera moi que la maîtresse enverra chercher les cartes et qui effacera le tableau. La la l'air !»« Non, monsieur !» a dit Agnan. « Le premier, c'est moi. Et puis d'abord, tu n'as pas le droit de venir à l'école avec des lunettes !»« Un peu que j'ai le droit, tiens, sans blague !» a dit Clotaire. « Et tu ne seras plus le seul sale chouchou de la classe. La la l'air !»« Et moi ?» a dit Rufus. « Je vais demander à mon papa de m'acheter des lunettes. » Et je serai premier aussi. On va tous demander à nos papas de nous acheter des lunettes, a crié Geoffroy. On sera tous premiers et on sera tous chouchous. J'ai vraiment découvert le petit Nicolas en classe de 5e. La professeure de français nous lisait une histoire une fois par semaine. On aimait tellement ça que ça pouvait devenir un motif de sanction. Si vous ne travaillez pas assez, si vous êtes dissipé, je ne lirai pas d'histoire cette semaine. Et ça marchait, on se tenait à carreau. Je vous parle d'un temps pas si lointain pourtant, où il n'y avait pas de bibliothèque municipale dans nos villages, et la première librairie était à 30 kilomètres. Alors quand notre professeur lisait une histoire du petit Nicolas, c'était la fête. On rigolait comme des bossus. Ceux qui étaient devant se retournaient vers ceux qui étaient derrière, les yeux brillaient, les commentaires fusaient dans les nuages. Un joyeux bazar. Une fois, la directrice est entrée dans la classe. Oh, elle n'était pas sympa. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » demanda-t-elle sur un ton désagréable. Nous, on était debout et on la ramenait pas. La prof ne se démonta pas. Je lis le petit Nicolas. Le visage de la Dirlo se crispa et prit une expression de dégoût qui a fait date dans l'histoire de l'humanité. Elle punaisa du regard notre professeur. Elle nous fixa longuement, lâcha un soupir et claqua la porte. Madame, je ne sais plus son nom et c'est bien dommage, fit une petite grimace et la classe, d'un seul bloc, éclata de rire. Pardon, s'il vous plaît. Tu reprends la même chose ? Bah oui. Alors, un demi et un verre de tariquet. Merci. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? T'as pas peur que ça fasse trop de personnages ? Marie m'a dit la même chose. C'est vrai. Faudrait sans dénaturer l'originalité de ton texte, il faudrait, tout en gardant le même nombre de personnages, qu'il y ait moins de personnages. Ok. Je vais y réfléchir. Mais en attendant, si tu veux bien, j'aimerais qu'on lise un court passage d'Is No Good. J'ai besoin de l'entendre pour voir si ça fonctionne. Pas de problème, avec plaisir. Je fais qui ? Is No Good, et moi je fais Dilate la rate. Je vais être calife à la place du calife. C'est ça justement, c'est le titre de l'album, de Tabari et Goscinny. Merci. Merci. Oh. On y va? J'ai une idée. À quel sujet, patron? Pour devenir calife à la place du calife, imbécile. Parce que vous pensez encore à ça, patron? Je ne pense pas encore à ça, andouille. Je ne pense qu'à ça. Vois-tu, j'ai pour notre beau pays de grandes ambitions qui me rapporteront beaucoup, mais alors beaucoup de maravédis. Et cette espèce de mollasson de calife, adipeux et flasque, freinerait l'expansion de notre beau pays. Et votre idée, patron, c'est quoi? À quel sujet? Hein? Mais pour que vous deveniez calife à la place du calife. T'as une idée? Non, vous! Moi? Laquelle? Je ne sais pas. Alors si tu ne sais pas, tais-toi. Et écoute l'idée que j'ai trouvée. Je vais passer une annonce dans le plus grand quotidien de Bagdad, Bagdad Soir. Grand vizir cherche moyen sûr pour devenir calife à la place du calife. Grosse récompense. C'est clair, non? René Goscinny est un écrivain. Un homme qui passe une partie de sa vie en tête-à-tête avec sa machine à écrire. Toujours la même, d'ailleurs. Pendant des décennies. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Il écrit des histoires pour tous les supports existants à l'époque. Bande dessinée, radio, télévision, magazine, roman, dessin animé, long métrage, disque. Les scénaristes de BD savent le rôle capital de Goscinny dans la reconnaissance de leur métier. Dans les années 50-60, la plupart du temps, les scénaristes n'étaient pas crédités au générique, si on peut dire ça comme ça. Seul le dessinateur avait droit à la lumière. Texte et dessin de Duchemol. Et tout le monde savait dans le petit milieu de la BD que le texte était de Goscinny ou d'un autre. Le succès phénoménal d'Astérix a pulvérisé ce système archaïque et injuste. Du jour au lendemain, le nom du scénariste sur la couverture de la BD est devenu un gage de bonne qualité. La perspective d'un bon moment de lecture, la possibilité d'un lien durable entre le lectorat et les personnages. Et pour le dire clairement, une valeur marchande. Pas terrible. Il a quoi le tien? Fraise. Chocolat. Les filles, vous avez fini le goûter? Oui, papa. Alors, Marie, tu fais Pétula la voisine, oui. Apolline, tu fais Obélix, Aliénor le voleur et moi le voisin. Marie, on va faire nos personnages avec l'accent anglais. Mais je sais pas faire l'accent anglais. Bon, on va essayer. Et puis de toute façon, il y a trop de personnages et d'ambiances différentes dans ta fiction. Ça ne passera pas. Je sais, je cherche une solution. Visiblement, tu ne l'as pas trouvée. Bon, allez, Apolline, on y va. Astérix, chez les Bretons, Uderzo et Goscinny. Tu parleras par Belenos. Obélix casse une table d'un seul coup de poing. Bon, dans la maison d'à côté, le voisin avec l'accent anglais. Nos voisins sont étrangement bruyants aujourd'hui, n'est-il pas, Pétula? Il est. Un nuage de lait dans votre eau chaude? Plutôt. Parleras-tu? Parleras-tu? Parleras-tu? Partout à tis? Oh, je dis, j'aimerais que le voisin parle, Pétula, pour que je puisse lire mon journal tranquillement. Je parlerai! Oh, ça c'est bien. Derrière une apparence tout en douceur, l'œil malicieux, sourire aux lèvres, René Goscinny est un révolutionnaire. Il a révolutionné la bande dessinée française. Il y a un avant et un après Astérix. Pensez donc, dans les années 60, une bande dessinée qui devient un phénomène de société dépassant largement les barrières bien gardées de nos frontières. Des personnages qui, au fil des décennies, sont devenus des membres de la famille. Allez les filles, c'est l'heure de faire dodo. Oh non papa, attends un peu, j'ai pas fini de lire. Moi non plus. Demain il y a école. Encore un peu, un tout petit peu. Maman a déjà fait la bise. Oui, mais papa, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu lis? Astérix chez les Helvètes, c'est trop bien. Ah oui, j'adore le passage où ils dorment dans une banque. Dans les coffres forts, c'est trop bien. Arrête de dire c'est trop bien. Et toi, qu'est-ce que tu lis? Astérix en Corse. Tu as parlé à ma sœur? Attends, je le fais avec toi. Les filles, on n'a pas le temps, c'est pas le moment. Tu as parlé à ma sœur ? Ah, mais je ne savais pas que... Je n'aime pas qu'on parle à ma sœur. Mais elle ne m'intéresse pas, votre sœur, je voulais simplement... Elle te plaît pas, ma sœur ? Si, mais si, hein, bien sûr. Elle me plaît. Elle te plaît, ma sœur. Retenez-moi où je le tue, lui et ses imbéciles. Avec les studios IDFX, René Goscinny crée de toutes pièces un studio de dessin animé qui dispose de moyens considérables. Goscinny et Uderzo, admirateurs de Walt Disney, s'inspirent clairement du modèle américain. Ils trouvent les soutiens financiers à la hauteur de leurs ambitions. En fait, ils investissent beaucoup d'argent personnel dans l'histoire et s'entourent des meilleurs dessinateurs créateurs de l'époque. Les studios tourneront deux longs métrages, Les 12 travaux d'Astérix et La balade des Dalton. Je ne vais pas parler de la mort de René Goscinny, car elle provoque en moi, à chaque fois, un sentiment de frustration et de révolte. Il avait 51 ans. Et ce que je peux en dire, ça ne va pas plus loin que des propos de comptoir du style « quand tu penses qu'il y a des connards qui sont encore en vie à 90 piges ». Comme vous pouvez le constater, au niveau de l'analyse et du commentaire, c'est plutôt décevant. Au revoir, monsieur René Goscinny, et merci. Au nom de l'enfance et du temps qui passe. C'était Monsieur René Goscinny de Philippe Touzet. Avec Élodie Vincent, Philippe Touzet, Michel Sidoroff, Fabrice Drouel et les voix d'Aliénor et Apolline. Bruitage Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage Olivier Dupré, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation Laure Chastan. Réalisation Michel Sidoroff. Viens petite fille de mon comic strip, viens faire le début, viens faire des pow plop win. Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait ou bien parfois même yeah. Affaires sensibles, la fiction. Astérix a été créé par Uderzo et par moi très simplement, sans problème. Nous cherchions une histoire qui puisse amuser le public et puis c'est comme ça que c'est parti. Qu'y a-t-il dans le cœur d'un humoriste? Vous êtes un humoriste. Je suis un amuseur, plutôt qu'un humoriste. Il y a une différence? Pour moi, oui. Je croyais être un humoriste, mais les descriptions que l'on m'a fait des humoristes, finalement, ne me conviennent pas. L'humoriste devenant surtout un moraliste, un philosophe, un homme engagé. Et moi, finalement, mes buts sont beaucoup plus simples. C'est toujours ce but de faire rire. Par conséquent, je pense qu'il me convient mieux de dire que je suis un amuseur, un rigolo. Vous m'avez dit « je suis un amuseur », mais dans la vie, est-ce que vous êtes gay? Car les deux choses ne vont pas ensemble, parfois. Oh si, je crois que ça n'a rien à voir, vous savez. Les humoristes, les amuseurs sont comme tous les créateurs, ils sont inquiets. On ne sait pas ce qui va se passer, comment on va réussir quelque chose, si ça va continuer, si on va continuer à trouver des idées. Je sais que ça va surprendre certains, mais je suis un homme extrêmement timide et l'humour a toujours été pour moi une sorte de défense, de pudeur. Les érudits analysent la philosophie d'Astérix, ou d'Obélix plutôt, et l'angoisse d'Astérix. En êtes-vous étonné? Oh oui, c'est car les choses vont très loin. Ça, vous savez, ce qui est admirable, c'est que... J'ai lu des rapports, j'ai même lu une thèse. Nous nous payons, mais alors, des séances de rigolade avec Uderzo qui sont admirables. Si les gars qui ont écrit ça nous voyaient rigoler en lisant des choses telles que l'angoisse d'Astérix, peut-être aurait-il un sens de l'humour un peu plus développé. Je veux continuer ce que je fais et je ne peux pas concevoir de faire autre chose, de m'amuser en amusant. France Inter... Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Monsieur René Goscinny. Notre invité, Catel, autrice du roman graphique intitulé Le roman des Goscinny, Naissance d'un Gaulois, aux éditions Grasset. Bonjour Catel. Bonjour. On dit Catel ou Catel Muller? C'est comme on veut. Alors on va dire Catel, puisque c'est marqué Catel. Voilà, c'est plus singulier que Muller, qui est plus répandu. Vous êtes autrice donc de romans graphiques, des albums traduits dans de nombreux pays et souvent primés, comme Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges. C'est bien d'avoir fait quelque chose sur Olympe de Gouges, tellement intéressant. Ainsi soit Benoît de Groult également, ou encore Joséphine Baker. Je vois que ça fait beaucoup de femmes. René Goscinny est-il le premier homme à entrer dans votre panthéon et donc votre œuvre? Non, j'ai déjà travaillé sur des portraits d'hommes, mais c'est vrai que depuis quelques années, je me suis un peu spécialisée sur ce que j'appelle des biographiques, non seulement des portraits, mais des vies de femmes racontées en bande dessinée. Pourquoi cette remarque? Parce que finalement, les hommes et les auteurs depuis des décennies qui font des portraits ou des histoires d'hommes, on ne leur demande jamais comment se fait-il, pas de femmes? Mais quand on est un journaliste moderne, on peut poser la question. On peut, mais en général, elle ne se pose pas, alors qu'inversement, depuis la première femme que j'ai faite, la première question qu'on me demande est à quand un homme? Bon, bah, je la retire pas, pour autant. Mais vous remarquerez que sur la couverture, il y a un portrait de femme aussi. Oui, ça s'appelle le roman des Goscinny et pas le roman de René Goscinny. Oui, bien sûr. Et il était important pour moi, justement, étant une femme, évidemment, ça me paraît plus naturel déjà pour moi de parler de femme, comme peut-être pour un homme, c'est plus facile a priori de parler d'homme. Et puis la passerelle, surtout. Alors, la passerelle, on parlait de transmission. On parlait de transmission, voilà. Déjà, il y a la transmission, et puis la passerelle vous concernant, c'est Anne, la fille de René Goscinny. C'est bien sûr Anne. Expliquez-nous ça, ce processus de travail avec elle. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté et qu'est-ce que vous en avez fait? D'abord, c'est cette rencontre avec Anne, parce que ça a été une sorte de coup de foudre d'amitié. Anne avait vu mes bandes dessinées, elle aimait mon dessin et elle avait très envie que je fasse une bande dessinée sur son père. Moi, j'avais lu tous ses romans et j'étais très admirative de sa plume d'écrivaine, qui était extrêmement touchante, notamment Le bruit des clés où elle écrit une dernière lettre à son père. C'était extrêmement émouvant et donc j'étais évidemment attirée par elle d'un point de vue artistique tout de suite. René Goscinny, c'est comme on vient de le dire, c'était notre enfance à tous. Donc bien sûr, j'ai grandi avec René Goscinny. Pour moi, c'était une évidence que si peut-être aujourd'hui j'ai fait de la bande dessinée, c'est grâce à lui. C'est les premières bandes dessinées que j'ai eues entre les mains, Astérix et Obélix, Lucky Luke, le petit Nicolas illustré par Sempé. Donc plus tard, je me disais, je veux faire de la bande dessinée parce que ce métier rigolo, c'est ça qui me plaît. Alors René, c'était acquis, mais Anne, il fallait voir si ça pouvait fonctionner toutes les deux. Et à une soirée, justement chez la fille de Benoît de Gros, Blandine de Caunes, on s'est rencontrés, coup de foudre, on se revoit. Elle me propose de travailler sur son père, je lui dis non, je travaille plutôt sur des portraits de femmes. Enfin, voyez. Voilà, quand même, je commence par un refus. Et puis en même temps, j'étais ennuyée parce que je lui faisais de la peine et elle me touchait. Et puis on s'est revus, elle m'a commencé à me raconter sa vie qui était une vie extrêmement romanesque. J'en dirai pas plus parce que ça commence dans l'histoire que j'ai écrite là. Mais en rentrant chez moi, je me suis dit, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est finalement cette histoire des Goscinny. Pas seulement lui, mais elle, à la fois son histoire romanesque à lui, son histoire romanesque à elle, et le passage, la transmission du père à la fille. Mais... parce que si Astérix aujourd'hui continue à vivre aussi fortement, c'est évidemment grâce au talent du père, mais c'est aussi grâce au talent de la fille qui fait vivre aujourd'hui en continuant à perdurer l'œuvre, en faisant des films, des animations, des livres, etc. Alors ça, c'est sur l'esprit de votre travail. Plus concrètement, quelle matière vous a-t-elle donné ? Des interviews de son père, par exemple ? Alors, le problème très vite qui s'est posé, c'est comment raconter, Catel, pas très grande écrivaine, arriver à parler de son père, raconter une histoire avec du texte, dessiner, je m'en sentais capable, mais raconter pour être à la hauteur de ce génie, c'était un peu difficile de mettre des mots. Donc très vite, il m'a semblé important qu'Anne me fournisse quelques interviews pour que j'ai au moins ses propres mots pour lui mettre des bulles. Et puis, grâce à son mari Aymar Duchâtenay qui est à l'Institut Goscinny, ils m'ont fait livrer de 1000 pages d'interviews retranscrites de toute sa vie, en fait. Et j'ai passé des semaines et des mois à reconstituer, avec tous ces interviews, une sorte de puzzle de sa vie par ses propres paroles, à travers toutes ces interviews. Voilà, j'ai tricoté ça et je suis arrivée au fur et à mesure à faire une histoire. Enfin, il se raconte lui-même, finalement, de l'enfance. Voilà, la création d'Astérix, puisque je m'arrête à ce moment-là. Et c'est sa propre voix, ses propres mots. Et du coup, évidemment, ça a une saveur que je n'aurais pas pu écrire moi-même. Alors, l'histoire de Goscinny est effectivement romanesque à travers le monde. Est-ce qu'on peut résumer, vraiment résumer, pour ne pas enlever le plaisir du lecteur qui va découvrir le livre, ce qui a été la première partie de sa vie ? Eh bien, elle est très étonnante, puisque évidemment tout le monde à peu près connaît Astérix. Le Gaulois, c'est un peu l'emblème de la France avec le coq, le général de Gaulle. Et en fait, c'est très étonnant de s'apercevoir que son créateur est très peu français à la base. Il naît en France, certes, mais de parents d'origine polonaise, ukrainienne, qui sont juifs et qui, très tôt, dans les années 20, s'en vont en Argentine pour travailler là-bas. Et alors que malheureusement, le reste de sa famille, à peu près en intégrité, se fait décimer avec les rafles qui se passent à Paris. Et lui, bah, il grandit finalement en Argentine avec cette famille, son frère, ses parents. Malheureusement, son père décède très tôt quand René a 17 ans, qu'il a juste passé son bac. Et il se trouve confronté à la vie difficile d'un jeune homme qui doit travailler pour survivre, avec sa mère aussi qui n'a pas travaillé jusque-là. Et là, ils partent tous les deux à New York, en Amérique, pour essayer de s'en sortir. Et c'est l'histoire de ce gamin qui finalement n'a rien au départ, pas de connaissances, pas d'argent à un moment donné, pas d'idée de ce qu'il va vraiment faire, à part l'idée principale qu'il dit d'ailleurs, j'étais très intéressée par l'interview de Chancel là, puisque son seul but dans la vie c'était de s'amuser et d'amuser les autres. Et ça, c'est depuis tout petit qu'il a cette chose en lui, malgré les drames qu'il traverse, il veut amuser. Et c'est son obsession, et ça va pas être facile parce qu'il va prendre beaucoup de temps, des mois, des années avant d'arriver à s'exprimer et à pouvoir amuser les autres. Oui, alors, moi aussi j'ai un peu sursauté quand j'ai entendu Goscinny dans cette archive auprès de Chancel, où il dit voilà, mon but dans la vie c'est d'amuser les autres. Certes, ça fait rire, Lucky Luke, Astérix, mais c'est éminemment plus que du simple humour, c'est très intelligent. Le petit Nicolas, on entre dans l'intimité d'un petit garçon, et on a tous été, sauf vous, petit garçon, vous avez été, vous, petite fille. On est marié de vie, quand même. oui, bien sûr. Lucky Luke, c'est politique, parfois. C'est parfois, si on lit entre les lignes, on s'amuse à lire entre les lignes, il y a quelque chose de politique, parfois, dans certaines BD de Lucky Luke, qui soulèvent des problèmes importants. Et puis dans Astérix, il y a aussi tout un tas de messages qui sont envoyés. Donc il est modeste, ce cher Goscinny. Il n'a pas fait, de mon sens, que faire rire les gens, ce qui est une belle fonction. Mais il les a fait réfléchir, est-ce que tu es d'accord ? Ah mais complètement, même s'il s'en défendait. Oui. C'est d'ailleurs pour moi le précurseur de la bande dessinée moderne européenne, réellement, René Goscinny. C'est lui qui a apporté ses lettres de noblesse à la bande dessinée, parce que c'est lui qui arrivait à en faire un art reconnu, moderne et adulte d'une certaine façon. Avant, la bande dessinée, c'était quand même un truc pour les enfants, plutôt pour les illettrés, qu'on lisait aux toilettes, comme disait Benoît de Groulx. Et lui est arrivé à en faire un art populaire, mais très intelligent, qui était lu par un grand public, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes. Et à tiroirs. Avec des tiroirs, voilà, avec plein de niveaux de lecture. Et c'est pareil pour le petit Nicolas. Et quand on lit Astérix, on le lise à 5 ans, à 15 ans, à 50 ans, c'est toujours un plaisir, mais qui est différent, parce qu'on n'y lit pas les mêmes choses. Absolument. On va se retrouver dans 3 minutes, Katel, pour continuer de parler de Goscinny, de son œuvre, peut-être entrer un peu plus profondément dans quelques univers de ce que j'appelle moi le petit monde de Goscinny, comme il y a eu le petit monde de Brassens. Absolument. Avec des personnages, avec un univers récurrent et puis des réflexes de certains personnages qu'on peut voir à travers différentes BD. Enfin bref, on va voir ça dans 3 minutes. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. Tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town. Retour avec vous, Katel, l'autrice du roman des Goscinny, sous-titré Naissance d'un Gaulois. C'est important les sous-titres hein, dans le livre, on va en parler. C'est chez Grasset, Philippe Touzet, l'auteur de notre fiction autour de Goscinny, aujourd'hui est toujours là. Donc Philippe, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Alors, arrive le moment du succès, mais avant le succès, dans cette biographie rapide, la guerre, ça, n'en parlait pas, n'en parlait jamais, c'était trop intime. J'en parle du point de vue de Goscinny, parce que c'est pas moi qui parle, c'est lui qui raconte et qui d'ailleurs esquive la guerre, parce que c'est trop douloureux. C'est trop douloureux, évidemment, la plus grande partie de sa famille est partie dans les camps de concentration à Auschwitz, et je crois qu'il reste 2-3 survivants en tout de cette grande famille Beresniak, dont un qui a repris, gardé, Serge, l'imprimerie avec Daniel, l'imprimerie rue Lagrange, qui faisait justement, qui publiait des livres de dictionnaires yiddish, hébreu, d'ailleurs au moment de la guerre, ce qui était assez gonflé quand même. Mais bon, ils se sont fait rafler, bien sûr, sauf le grand-père qui est mort de chagrin, qui est parti en zone libre. Et lui, ça a été quelque chose d'épouvantable de perdre ses oncles, son cousin Volodia, dont il était très proche. Ce qui fait que plus tard, quand on l'a accusé un peu de chauvin avec Astérix, c'était le stéréotype du Gaulois, du français moyen, il s'est mis en colère en disant mais comment moi, qui ai vécu en Argentine, qui ai grandi à New York, je pourrais être chauvin avec la plus grande partie de ma famille a disparu dans la Shoah. Mais voilà, ça l'a vraiment foutu en colère. On pourrait répondre que l'esprit d'Astérix, c'est aussi l'esprit de résistance. Ce village irréductible, on peut le voir aussi comme ça. Mais bien évidemment, même s'il s'en est toujours défendu, mais pour moi c'est une évidence absolue. Astérix le Gaulois, dès le début, on voit les Romains là, qui viennent avec les bottes en gros plan. On pense évidemment tout de suite aux nazis qui débarquent, qui vont attraper ces résistants et ces pauvres Gaulois qu'on peut assimiler au peuple juif aussi. Bien sûr, on peut y voir un tas de choses. D'ailleurs, les protagonistes du village d'Astérix sont un peu les zélotes des temps modernes. Mais absolument. On peut faire aussi ce lien. Là, mais bien sûr. Puisqu'il était juif. Alors, 1954 arrive le succès, puisque Maurice lui demande de travailler sur un scénario sur Lucky Luke. Comment ça se passe? Ça l'inspire tout de suite, Lucky Luke, la construction de Lucky Luke. Il faut savoir qu'il rencontre Maurice aux États-Unis un peu par hasard, parce qu'il rencontre Gigé dans le Connecticut, qui est un grand dessinateur, auteur de bande dessinée, qui s'est installé là pour faire fortune un peu aux États-Unis, ce qui n'arrivera pas finalement. Et il y a un peu Maurice pour les mêmes raisons. Qui est un copain de Gigé, donc ils se rencontrent, c'est sympa, ils fument des clopes ensemble, ils regardent la télé, parce que Maurice, lui, a déjà Lucky Luke, il dessine déjà Lucky Luke, il a créé le personnage, mais c'est pas du tout le même, c'est un Lucky Luke un peu brutal, qui tue des gens, mais il publie ça, il est déjà un peu connu, il gagne un peu d'argent, et donc il a un studio avec une télé, personne n'a de télé à cette époque-là, ils passent un temps fou tous les deux à boire des coups, et à fumer en regardant la télé, et à parler de Lucky Luke, des westerns, ils ont la même culture aussi du western, des chevaux... Et très vite, eh bien, Goscinny lui suggère des idées. Et petit à petit, eh bien, Maurice va se rendre compte que ça pourrait prendre un autre tournant s'il s'adressait à quelqu'un qui l'aide réellement profondément au scénario et donne un autre aspect à son personnage. Et c'est vrai que à partir du moment où Goscinny intervient sur le scénario, et plus tard, il prendra vraiment les rênes avec Les Rails sur la Prairie, il va donner un soufflet, je dirais, tout l'esprit de Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre. C'est-à-dire cet humour que Maurice n'avait pas au départ et qui donne toute sa substance, en tout cas que moi j'ai adoré petite, avec ce cow-boy amusant, ce cheval qui se met à parler, dialogue avec son maître, avec les Dalton qui ressuscitent, parce qu'ils existaient déjà, Maurice, mais c'était des mecs brutaux, et c'était à partir de faits réels. Là, ce sont les cousins, donc ça fait ressusciter ces imbéciles. Il a le culte de l'imbécile aussi, rigolo, Goscinny, voilà. Ce rentemplant aussi, ce chien imbécile qui est le contraire de Rintintin, qui est beaucoup trop intelligent pour Goscinny, qui est un peu agaçant. Donc il fait le chien gentil mais complètement bête. Et tout ça, voilà, donne vraiment la substance à Lucky Luke, à Lucky Luke qu'on connaît aujourd'hui et qu'on aime aujourd'hui. Et c'est la patte Goscinny, ça. C'est la patte Goscinny. Alors, la patte Goscinny, c'est aussi, et je reviens sur un peu la profondeur, les rivaux de Painful Gulch, notamment, est un extraordinaire numéro de Lucky Luke qui soulève des vrais problèmes d'aujourd'hui entre les O'Hara et les O'Timnins, ces deux familles qui se haïssent et qui finalement réussissent à se réconcilier. Philippe Touzé, c'est drôle que vous en parliez, c'est un de mes préférés. Oui, c'est ça, c'est Roméo et Juliette, c'est ces deux familles qui ne peuvent pas se voir parce que, enfin, c'est des querelles d'Anne Corse, comme on dit, on ne sait plus d'où ça vient, c'est perdu dans les générations, et c'est vrai que là tout y est, l'ostracisme, le racisme, la ségrégation. C'est un album éminemment politique, comme Goscinny savait le faire. Il avait, on en a parlé tout à l'heure, il avait différents niveaux de lecture, et donc un enfant de 7-8 ans pouvait s'éclater, et son père ou sa mère pouvait également s'éclater, mais ils voyaient autre chose aussi derrière. Donc c'était vrai, et c'est pour ça que toute la famille pouvait, autour d'un seul personnage, en parler, dire des anecdotes, et chacun en parle à son niveau, et c'est comme ça justement d'en parler, de cette fameuse transmission, de permettre à une famille de même d'élaborer des fois un lien, un contact, des fois tout simplement. Oui, et d'ailleurs c'est drôle parce que finalement c'est vraiment la qualité propre de l'humoriste, lui qui disait qu'il ne voulait pas être moraliste, philosophe, engagé ou politique, en fait il était tout ça bien évidemment, mais il a l'humilité de faire comme s'il ne l'était pas. Ensuite arrive une cascade de poésie avec le petit Nicolas. Je trouve que le petit Nicolas, c'est d'abord de la grande poésie. Comment alors la rencontre avec Uderzo, Sempé, comment tout ça se construit également, le petit Nicolas, cet univers-là? Ah, mais tout ça arrive finalement assez tardivement parce que Goscinny galère beaucoup avant de faire ses rencontres. Il rencontre Boris d'abord, mais c'est aux États-Unis. Et puis il envoie, il écrit des planches lui-même de bande dessinée qui s'appelle Dick Dix, histoire d'un détective privé, parce qu'il faut savoir qu'il dessine au départ. Hein. Il n'écrit pas des scénarios, il dessine. Il aurait voulu être un créateur total, hein, dessin et texte, mais malheureusement pour lui, parce que c'est un bon dessinateur, mais il rencontre des génies. Il commence par rencontrer Boris, puis il rencontre Sempé, Uderzo, Franquin, enfin, il rencontre que des génies du dessin, oui. Et donc ça le calme. Et il s'est dit qu'il va arrêter de dessiner et peut-être plutôt d'écrire. Mais chance pour lui, c'est un génie de l'écriture. Donc chacun le fait écrire des scénarios. Et quand il arrive en Europe, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas moyen de se réaliser de ce point de vue-là, hein, même s'il rencontre Harvey Kurtzman et toute l'équipe de MAD, ça c'est encore une autre histoire, qui vont beaucoup l'influencer d'un point de vue d'état d'esprit, l'humour. Hein. Mais quand il arrive en Europe, il galère encore. Et c'est Trois Fontaines qui lui donne sa chance, qui a monté une agence à Paris, mais qui est belge d'origine, avec les décisions du Puy. Il lui donne du travail comme scénariste un peu, mais scénariste à tout faire. Hein. Il écrit dans des magazines, il signe sous plein de pseudos parce que son métier n'est pas reconnu à cette époque-là. Quand on est auteur de BD, quand on est écrivain, scénariste, ça n'existe pas. On n'est même pas mentionné sur la couverture. D'ailleurs, c'est lui qui, grâce au succès phénoménal d'Astérix, a apporté les premiers statuts du scénariste. Avant, vous le disiez... Ah, c'est la scénariste qui parle. Les scénaristes n'étaient pas reconnus. Il y a des albums de Lucky Luke dont on sait pertinemment que c'est Goscinny qui a écrit le scénario. Moi, je pense au juge. Le juge, il n'est pas crédité. Et pourtant, on sait que c'est lui qui l'a écrit. L'éditeur, en fait, donnait l'argent au dessinateur qui, après, donnait l'argent. On raconte même l'anecdote que Boris rapportait de Belgique des mallettes. Avec ses sandwichs dedans pour apporter l'argent à Goscinny. Et que quand il recevait de l'argent, il y avait encore le beurre des sandwichs dessus. le beurre et l'argent du beurre. C'est ça. Alors, bravo, Philippe Touzet. Arrivons ensuite. Alors, l'aventure pilote, ça c'est formidable. Racontez-nous, pilote. Eh bien, pilote. En deux mots, c'est dur, hein. Oui, c'est difficile parce que c'est toute une histoire. Moi, j'en ai fait plus de 300 pages. Donc, oui, de passer. Voilà, il écrit pour tous ces gens. Et comme vous le disiez, à un moment donné, il se rend compte que il n'existe pas. Il a l'impression d'être scénariste, mais scénariste, c'est pas un métier. Déjà, faire de la bande dessinée, c'est pas vraiment un métier. Mais alors, scénariste, c'est carrément rien. Ça n'existe pas. C'est transparent. Et il monte avec ses copains, Jean-Michel Charlier, avec Uderzo, une charte en fait pour faire signer les différents auteurs de BD. Illustrateur, dessinateur, écrivain, une charte qui le protégerait, pour que les auteurs aient leurs droits, qu'on les reconnaisse. À ce moment-là, il faut trouver un responsable, un coupable, parce que les éditeurs, ça les agace. Et donc, Trois Fontaines vire Goscinny comme un malpropre, et Charlier et Uderzo le suivent. Ils s'associent à un quatrième larron, Ebrard, et ils fondent une société qui s'appelle Edi France. Et là, ils commencent à travailler pour d'autres éditeurs, mais ils sont indépendants. Ils ne sont plus à la merci de la société de Trois Fontaines, qui était la WordPress. Et à ce moment-là, dans les engagements, il y a un journal qui s'appelle Pistolin, qui est un journal publicitaire, qui leur sert un peu de galop d'essai pour faire une maquette, écrire des articles, faire des dessins. Une fois que ce journal a servi justement à faire la publicité du chocolat Pistolin... ils décident eux-mêmes de montrer leur propre journal. Qui s'appellera Pilote. Alors, il y a des associés, il y a Cloto, Joly, qui travaille à Radio Luxembourg, voilà. Et qui s'associe avec lui. C'est très important, la radio, parce que c'est fondamental. Et vous dites, en ce temps-là, la radio était un média encore extrêmement puissant. Gage donc que ce média reste encore puissant, notamment par l'intermédiaire de cette maison et de France Inter. Il me reste à vous remercier, Catel et Philippe Touzet, et à rappeler quand même, tiens, un exemple. Astérix et les Normands, un exemple d'intelligence. Goscinny construit toute une histoire en prenant au pied de la lettre une maxime qui dit « la peur donne des ailes ». Et à partir de ça, « la peur donne des ailes », il fait un vrai scénario avec une vraie histoire, c'est juste remarquable. Eh oui. Merci madame, merci monsieur. On est tous des fans. Merci. On assume. Ah oui, tout à fait. On assume. Voilà, merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Monsieur René Goscinny. Une fiction écrite par Philippe Touzet, réalisée par Michel Sidorov. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet et réalisée par Agnoro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Rémi Sistiaga et Charles Leca.